Gary Bruno. Ego, ego, Opila ya papa Belon Opila. Francis Malonga. Gertrude Edmond. Le grand Vinti Alcazar Lolo Yokama dans Fabio Testa. Pour accomplir le destin, il faut avoir la pleine vocation. Voilà.